Hey, hey, just man. J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper de vous. J'ai fini de me préoccuper. J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper, d'où j'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper, d'où oh, oh. J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper, d'où j'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper, d'où et de ce que vous pensez, je ne suis pas censé m'occuper de ce que les gens pensent, de tout est tentant, je dois regarder mon cas perso, rester dans mon vaisseau, et puis travailler sans cesse, je crois que c'est l'essentiel, hein. J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper, vous. J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper. J'ai jamais douté de moi, non, j'ai jamais douté de moi. J'fumerai tous ces soifs, musique, amis, famille, juste l'amour pour tous les trois. Et je crierai sur tous les toits, charbonne tous les soirs. J'veux pas canner mais survivre dans la famille de mes problèmes. Votre avis est le cadet de mes soucis, à part ma vie, je n'ai aucune passion. Donc vous ne faites plus partie de mes préoccupations, J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper. Même si la vie est exécrable, à force de péter des câbles, je vais finir électrocuté. Mais négro, tu sais, je serai le héros du siècle, mon gars, je dois m'occuper de mon cas. On n'est jamais mieux servi par soi-même, donc tant que j'aurai l'écrocentrique, négro, je serai égocentrique. J'ai fini de me préoccuper. J'ai fini. J'ai fini de me préoccuper. J'ai fini de me préoccuper. J'ai fini de me préoccuper. J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper de vous et de ce que vous pensez. Je ne suis pas censé m'occuper de ce que les gens pensent, si c'est tentant. Je dois regarder mon cas perso, rester dans mon vaisseau et puis travailler sans cesse. Je crois que c'est l'essentiel. J'ai fini de me préoccuper, j'ai fini de me préoccuper de vous. J'ai fini de me préoccuper. Bave dans tes chicots si tu t'approches trop près. Vois déjà les méthodes puis qui voient que je progresse. Gros reste cool, ceux qui m'envient je les laisse copier. S'ils se croient chez eux dans le peur, je vais les exproprier. Non, y'a pas de soucis. J'sais que médisance égale jalousie. Et j'prends mes distances, mets mon existence sur un piédestal et je les laisse accroupis. J'm'en bats les reins de ce qui se dit. Laisse parler les gens, laisse parler toutes ces bitches. Ils peuvent m'envoyer des pics, j'vais leur envoyer des kicks et leur envoyer des gifs comme des frisbees. Bats les reins de vos critères, si ta meuf me trouve trop mignon, dis-moi ce que je vais faire de ton opinion. Fuck les coups de poker, faut bien gérer ses cartes. C'est déjà dit que les critiques ne m'intéressaient à. J'ai fini de me préoccuper. Et de ce que vous pensez, je ne suis pas censé m'occuper de ce que les gens pensent. Depuis que c'est tentant, je dois regarder mon cas perso, rester dans mon vaisseau et puis travailler sans cesse. Je crois que c'est l'essentiel. J'ai fini de me préoccuper. J'ai fini de me préoccuper.